Lorraine Bemba Minkala. Le Kininkala. Les filles. C'est le fils du pays qui parle. Quand on mis ce doigt, ses responsabilités. Ne tire pas boulet rouge, tout en connaissance de cause. En tout cas, Fada m'attendait cet test en représailles à une censure palpable. Venant de cette misérable horde yen double de canaille. Mais là je suis plus que blindé. Oyaka, déjà perdu mes repères, Bogomona. La vérité blesse car elle est bonne à dire. Surtout qu'on se perçoit à l'horizon le pire. Là, l'homme à l'instinct animal mystifie. Les morts se mouchent, l'oppressé se bouge. Révolutionnaire mélodie. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on voit les flèches. Qu'est-ce qu'il t'en dîner. Tout est changement et mouvement. Il passera à la case caisse. Lascar si franc, si pique, toujours en mode lyrique. T'as vu qu'on s'erreur m'avoir permis de lire et écrire. Tenir un bic, doté d'une bonne mémoire, totale maîtrise de mon histoire. Ma géographie, l'importance des mots de la philo. Sophie, reste une arme, le savoir. Béo, dégage de la place, pensez gauche et va t'asseoir. Trop plein de crimes, ton image rime avec des espoirs. Je suis pas né pour que mon nom se fâche. Bonjour, la cité de l'or noir, le temps s'est arrêté. Banni des lumières du soleil, c'est digne, fils et filles. Jauge bien le sol, la vie devrait normalement être un long fleuve tranquille. Au bord de la cité de l'or noir, le temps s'est arrêté. Banni des lumières du soleil, c'est digne, fils et filles. Jauge bien le sol, la vie devrait normalement être un long fleuve tranquille. Cause le peuple d'une main de fer tienne. Manipule sans scrupule pauvre jeunesse. Omis l'enseignement de la jeunesse. Peu de promesses tenues, études non soutenues. J'ai mal et honté pendant que le reste du monde avance. Se développe, profite, s'épanouit. Au loin les guerres, stabilité, réindiqué. Tant soit peu la misère où les uns les autres se côtoient. Certains jouent les hors la loi. Mais ça ne donne pas prétexte, raison aux militaires de tirer dans le tas. Porté par les dirigeants corrompus, aux mœurs légères, l'Afrique régresse. Père jour après jour d'ailleurs l'éthique. Pire l'identité, situation cynique. Mon ami la République est attrapée. Euthanasie sur le futur allergique. Faiblesse, secteur 7, on y compte, foison sec. 6-6, chiffre maléfique. Gangrène les cœurs interdits, certains loisirs restent oisifs. Taciturne et passif, annihil les plus féroces, volonté même les massifs. Lui est sans raison la plupart du temps. Une parole déplacée casse ta maison. D'une appartenance ethnique, sujet à sang. Hier encore aux infos, la mort d'un opposant. Je suis toujours en vogue, ne tombe pas malade. Car le seul moyen de se déplacer pour les populations éloignées reste la pirogue. Sois vaillant, demain nous appartient à bien que pourra le pouvoir entre nos mains. Au bord de la cité de l'or noir, le temps s'est arrêté. Banni des lumières du soleil, c'est digne, fils et filles. Jauge bien le sol, la vie devrait normalement être un long fleuve tranquille. Au bord de la cité de l'or noir, le temps s'est arrêté. Banni des lumières du soleil, c'est digne, fils et filles. Jauge bien le sol, la vie devrait normalement être un long fleuve tranquille. Chez moi coule le fleuve Congo, l'un des plus puissants au monde, deuxième sur la liste, je crois. Bizarre le courant monde, en pleine capitale. Pas d'eau potable, s'installe, l'ami bien dysenterie. C'est pas une plaisanterie, je viens pas d'ici, moi. Troisième immigré, les enfants Minkala fait mes classes là-bas, moi. Ceux qui connaissent l'histoire de le tyran, ceux de ma génération avec qui le Mike brandit de vive voix de le tyran. Une pointe de virulence, combiné leur blessant propos. Trahi dans leur intimité la plus chère, mais entre les plaies, tu comprends, gros. Pourquoi l'on fuit loin de nos terres, comme des oiseaux migrateurs à la quête des belles saisons, gros. Ville, ville, aucune lueur d'espoir. Ma voix s'élève, roche point tout explicite. Elle, Black Milite, lève mon point, attends-toi ce que tu mérites. Les temps changent, les petits grandissent, connaissent les flingues, la famille rondaine. Au bord de la cité de l'or noir, le temps s'est arrêté. Banni des lumières du soleil, c'est digne, fils et filles. Jauge bien le sol, la vie devrait normalement être un long fleuve tranquille. Au bord de la cité de l'or noir, le temps s'est arrêté. Banni des lumières du soleil, c'est digne, fils et filles. Jauge bien le sol, la vie devrait normalement être un long fleuve tranquille.